Daddy, Daffy, Cash Coon. Si, si, Daddy Lock, si, si, Daffy, Doc, Cash Coon, Cash Coon. Ce soir, il se tard. J'aurais dit quelques baveux qui ont été un peu trop bavards. À mon écart.